بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال سيدي علي حراز برادة ناقلا عن سيدنا وصلتنا إلى ربنا سيدي أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا بهما في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق، قوله كاملة تامة أو في جواهر المعاني، قوله كاملة تامة. اعلم أن الكاملة والتامة لم يعرف عند العرب إلا أنهما مترادفان، الكامل هو التام والعكس إلى آخره. كان ما نم في ما وجعلتها صورة كاملة تامة مم لينك دي وحني كان صورة manam gissone nango e image manam kon en fait en gros pour résumer da nga xamné kon liñuy wax image forme nangam portrait silhouette ak noko mën tuddé manam li nga xamné dal jëm lay doon mu am numu mel am nuñ koy matalé nuñ ko mëna naté mi lolu mi ngi am ginnaw bi nga xamantene manam bo génné hadratu zat te mom moy hadratu zat moy hadratu al ama moy awta atams wal ama moy bu jëk bi lay hadratu ahadiya fofu la hadratu shuun moy hadratu shuun hadratu al ama la tamit mais bu ñaarel bi asami han ci ñettel bi nak ci la han manam nak commencé manam bi genn deng fofu la kon manam bu genné ci hadratu al ama bobu ci lañ koy mëna war légui nak tuddé sura ngir manam ci lay amé ay caractéristiques quoi avant sura lool avant lool doon won am ben caractéristique ngir yépp non lañ jëmé li ñëk genn nak ba am ay caractéristiques mom lañ wax la al haqiqa al muhammadiyya moy ruuhu sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam mom lañ wax léram diko wax ruuham diko wax non la né kon mom lay wax né mom yalla mom nga defo dafa né wajaalta ha te nga def ko suratan muy jëm manam mon am portrait nek un portrait silhouette une image une forme bo xamné kamilatan boy aji matla tamatan boy aji mortaliko ko kamila lu mat tam moy lu mortaliko muné i'lam xamal né annal kamila nak aji mat di wa tam ak mortaliko lam yu'raf xamewuñ len andal arab ci arab yi illa lulul ne annahuma nakat ñom ñaar mutarabifani dañu bokk li ni tek moy ay synonyme la al kamilu lu mat huwa tam moy lu matal ko wal aksu ni ci safam bi tam non la wéré en fait haqiqatan am nañ touti différence d'ailleurs mom dina ko wax ci kanam amna touti différence ci digënté haqiq ci digënté kamil ak tam effectivement al kamil moy lu mat lu achevé complet parfait moy kamil tam moy lu mot manam lu motaliko manam moy lo xamantene buñ ko motalé ba mu mat ci lay nek kamil manam lo xamantene baxna mais buñ ko motalé ci lay doga nek kamil moy luñ nane dafa dañ ko motalé deng comme bi non al yawma khol al qur'an bi non al yawma akmaltu lakum dinakum dadi wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan parce que al yawma tay akmaltu matalna moy def nako bamou nek lu complet lu mat seuk lolou moy kon matna parfait parachevé na complet na lolou moy ak man ko mortal na kon sen diine ce qui veut dire que ni kon diine ci amul leneen lu ci yok mais bo xolé ci xewal daf ni wa atmamtu alaykum ni'mati moy mortalena ça veut dire que don na def lu yeen xewal di len defal ay xewal mais mortalena ko legi voilà ding mortalena atmamtu alaykum ni'mati sama xewal manam lool mo moy digeunte manam bo xolé danaka manam ay synonyme lañ mais touti différence bi rek fofu la nekk xam nga lool la quoi xam nga arab yi bon xam nga dañ wax synonyme parfait en fait existé won loolu ci arab la gëna wër arab non la mbir mi démé amul ñaari baat yo xamantene ñoo bok exactement li ñu ci amul wa amul comme ni ñi waxe comme jalasa ak qaada jalasa qaada nga ay ci li tok ak yekki ngay sinonim la comme qama ak waqafa qama ak waqafa mais sauf que am nañ touti différence tout temps hein tout temps dañu am différence ndax jalasa kiko def moy ku jugge ci teud après day top voilà alors que qaada mom moy moma tok bi non mi nga toge rek comme waqafa ak jal ak waqafa ak qama qama moy taxawna waqafa moy taxawna sauf que qama xola même ci tuba bok xolé en fait fof peut-être que ci la koy gëna mëna expliquer pour guiss sen différence parce que ci wolof taxawna lu muy wax non mais s'arrêter moy waqafa moy da ngay dox bam yaa nga taxaw bobu mom lañuy wax waqafa alors qama moy le fait de se dresser de se mettre debout deng lool moy qama motax bamu nana boudé motax ci walu ki dañ nan qiyam lañ wax manam ba pare qama aussi moy bo jugé ci tok taxaw bobu mom moy qama qiyam moy qama bo jugé ci teud wala tok li ngay def lool qama la tuddu comme buñ nan qama min nawmihi nangam jogina ci ay nelaw mais ken do wax waqafa xam nga min nawmihi wala ken du ko voilà hein xawmu nak wolof mom gisuma différence bu muy indi ci batay mais par exemple voilà mais ci exemple yi ci lay leer digeunte bob manam ke ni jogna taxawna ci ay nelaw wala bok ki julli dañ nan ko taxawal nga julli deng salli qa'iman wala bok aqim as-salat taxawal julli manam ko taxaw ci karam borom subhanahu wa ta'ala di julli ak kenn ko wax waqafa fof ke do waqafa e bizarrement bon entre guillemets hein boudé ci maqama awliya yi nit ki nga xamné dafa taxaw ci karam borom waqif lañ koy tuddé ndax dafa def cheminement bi yépp di ñew rombo nek bok maqama wilaya yi maqama ma'rifa yi yépp ba dem ba taxaw nak ci kanamu borom ñu ne waqafa s'arrêter quoi le fait de s'arrêter voilà voilà beaucoup tek fi nga xam tane ci julli damay taxaw qam hein voilà voilà ku sax fenn koku lañu wax al muqim ndax dafa sax résident réside quelque part moy lañu wax al muqim amma ki nga xam tane da doon dox ba yex ci fa kenn du ko tuddé muqim kok waqif lañ koy tudde ki taxaw d'accord est ce qu'il y a une différence wala ñaari catégorie yu bokku la entre waqif bi ak siddiq bi en fait siddiq mo gëna kawé ma'rifa kessé siddiq mo gëna kawé sauf que nek waqif dafa gëna for lepp luddul manam mais siddiqé ci maqama ma'rifa manam ci maqama ma'rifa la bokk batay siddiqé ci maqama ma'rifa la bokk batay motax nga gis nit ko xamné dana yegg ci maqama siddiqé mais nekugul waqif ba légui waqif dal moy ki mo gëna kawé lepp mom amul maqama luddul boromam waqif amul maqama luddul mom digënté ma boromam amul digënté mon borom ni rek lay taxaw day tout temps mi ngi taxaw ci kanam borom kon sidiq lu muy for waqif moko gëna waqif no waqif c'est que sidiq xam nga maqama la buñu tuddu alors que waqif danaka mom dootul maqama sax parce que dem na ba traverser na maqama yépp nek kenum borom kessa mais nak aussi li ngay gis moy né maqama bobu nit dina ci yegg fekk en fait deful cheminement bi mi traverser yenen yoon yépp dafa ñew rek yek voilà lolu tax nak lolu nak bokku na ci am serigne bu am solo mi bax ku melni sayyidna salah bin radhiyallahu ndox mom day bif talibé ci yobul lan ci maqam bobu sans pourtant autant ñu jaar ci yenen côté yi ci dess sans pour autant ñu jaar fofu wax lolu te day remark dafa remarkable d'ailleurs bo te ni ngui koy xamé moy da ngay set waan da ngay xam ñu bari ci arif yi ngay xam ni da ngay gis seen état d'esprit bi ñuy dox ak seen façon batay da ngay gis né amuñu and ak né pourtant ñu kawale ñu def seen moy yépp lañ mais batay nekk guñu ay waqif da ngay gis né nekkuñu waqif voilà tu peux comprendre la différence bu mag bi différence bu mag ak sax bu mag sax dañ ñu yalla may ñu sopp ko deug te deug dal ci den kon al kamil ak atam kon même boudé ay x ay ki lañ amnañ différence quand même amnañ différence wa lu mat ak lu mortaliko amnañ différence manam ko tay buma lako don def exemple ci ki bi buma lan la casse bi fess na ak wa plein matna moy kon lolu koku manam complet kamal lañu alors que bu amé nak lu dem ba nga xamanteni lu touté ci dess mo diko mortali le fait que ma sorti ci ba mu mortali ko lolu moy deng moy tam voilà moy itmam dal moy itmam moy mortali gi hein inachevé dedet mortali gi moy parachevé plutôt peut-être voilà moy mortali parachevé wa moy mortali d'accord alors que beulé accompli la d'accord ah voilà entre par exemple buñ ko jëlé won ci dié par exemple ki nga xamantene dafa dem ba dié koku dañ na koku peut-être que manam mom matna dié na alors que ki nga xamantene mom touté ko déssé dié mais dié wogul nga war ko jékkalé ko loolu moy jékkalé nak voilà ah wala ko ah matna xam nga mais matna ak mortalé bu ben on wala mais bo xolé danaka buñ moma jëf di ngay def ba muy ba diko mortal day tax mu mat lool la wala deng kon mu ne digënté mat ak mortal kon lool la mu ne kon ay lan lañ ay synonyme la ci arab waya wa utliqa boyal nañ ko hauna fi fi tafannuni hein ci ngir manam meuna matal mi manam ngir meuna deugural manam matal tafan manam moy par jeffe gi manam di doxalen lil mat fi ngir tag gi manam moy le fait que nit ki ay lol manam ngir meuna motali manam ngir meuna jiggi dayo ngir meuna def ben exploration wala exagération entre guillemets ci tag gi ngir meuna wax na dal vraiment tag gi dal tag go mat seuk la motax mu utiliser kamela tan kama man utiliser ñaari synonyme yoy nga xam tane day deugural mbir mi wayaluhu man dana xoy mat man dana manam leer fi hada al mahall ci bi la beurep lil fahmi ngir deg gi man pour deg gi affaire bi day gëna éclaircir affaire bi day gëna tek leer ci xelu nit ki pour mu mëna comprendre manam ne kat tag gi mu ci djublu tag gu mat seuk la xam nga tay bu mané lu mat lu motaliko manam dama ko fédali kess dama ko fédéré rek comme buma né la bien après buma né la c'est bien bravo voilà voilà voilà voilà comme buma né lan ci wolof buma né doumako dorko voilà pourtant vaati vern la mais de fête de ligue day deugural rek ki bi day deugural lima bëgg wax rek fi tamit manam lool day fête ligue day deugural mbir mi rek que ni voilà ngir tag yi gëna lèr deng kon manam li nga xamne mom moy ñew ci kon ci place bi ci xel yi ci walu leral ci mbir mi moy amna nek al kamil li mat huwa moy alladhi li nga xamne yu fiidu day bëbb al kamal ak mat ala khairihi ci keneen kon mom manam mi ngi indi difference manam kon lu mat après mom moy joxe lu manam mom moy transmettre ak mat keneen wattam lu motaliko ho moy alladhi ki nga xamne la ta'addahu du jek ila khair ci jëm ci kenen man du jël man du jalgati wala la ta'addahu du jalgati ila khair ci jëm ci kenen balli fi nek ho mom maqsurun dafa gatandu dafa yam rek ala nafsihi ci bopam parce que xam nga li mat bu amé lenen luy ci rek day dal di jall dem ci day dal di tour moy li wolof nan lo futur lu mat lol la alors que li nga xamni dañ koy motali mom ci bopam rek la yam lu motali ko wal kamil kon li mat ho moy alladhi nga xamni yufidu day beub al kamalat mati ala khairihi ci kenen ci ñeneen ni kama khulna kem ni ko waxe wala shakati sik sak nekul ni annahu nak mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci mu wasallam do musoko fi hadal maidan ci bile gox tamul ku mat la fi nafsihi ci jëmi bopam manam ku mortaliko la ci jëmi bopam manam kon ci champ bobu manam ci champ bobu ci walu gogou wala ci walu gogou manam ci war wogou exactement al maidan moy war bi ci war gogou kon mom ku lan la han ku mat la ci jëmi bopam la yatra'u du gar alayhi ci mom an naqsu ak wañe bi wajin ci ben walu minal wujuu ci walu kamilul ku mat la mom yennati bi manam ku mortaliku la ku mat la mat go xamantene day mana day jalgati sallallahu yal na julli allah bur yalla alayhi wa sallam te musul ko yufiidu day beub al kamalat mbo am manam mortali manam mati moy perfection yi ala jami' al wujudi ci mbolem nekati fi minal ulum ci xeti xam xam kon mom dal len di dug manam day jox ñeneen mbolum xet xam xam mal ma'arif ak xam yalla yi nandi wa ma'arif moy nandi wal asrar ak mboti wal anwar ak leri wal a'mal ak jifi wal ahwal ak hali allah wal fuyudat ak bubbi hein bubbu moy déversement afflux abondant abondance voilà abondance afflux déversement wat tajalliyat ak feñ way manam moy manifestation wal mawahib ak may mawahib moy ay may ay don ay talent mawahib ay bon ay talent voilà wal minah ak yarale mon tam xetou may la minah ñu mëna wax ci toi minah wa manam minah moy ay yarale dal la ay may la tamit manam ay mais pour différencier ko manam bu mawahib ak moy manam lolu ak may la mawhiba manam mo lo xam dama la ka jox xaaruma ci retour d'accord dama la ko jox la duma la derrière d'accord te dama la ko jox amu compensation amul compensation mais te dama la ko jox sans nga def lutax ma dilako jox cadeau alors que minakh moy al minhat koku ak jox la mais bu may xaar quand même manam yow dama lay koy jox pour nga jëfëndiko ko liñ nan yalla day ala luñu waxin goko manam nan day abla voilà manam bon lolu xam nga du wax la jo xamne day nek deug ci yenn mbir yi mais du nek deug ci yenn mbir yi voilà voilà mais comme lolu dal manam lo xamne yalla dala ko jox ba pare di xaar nga jëfëndiko jëfëndiko bu rafet ak mais sino dala ko jox may la ko comme sa doole gi nga am katan sa dundu gi ngay dundu yoy la han voilà ce xam xam bi mu la jox ngeum yalla gi mu def ci yow manam da bëgg nga profito ci mais après yow lay jariña lool moy yéral moy comme té par exemple da ngay jël comme ni dañ ci wa all bi xam nañ ko ñom dañuy jox comme ni ben xar am xar ni jox ko ben way ni ne ko mën nga ko jël jëfëndiko ci ak ay jamono nangam légui mom ce qui fait que mom da ko yor di rat ci soow mi di nangam ak tam muy teggu yenen xar yi et cetera yoy manam mu ci jariñu mais momu après da koy delo wat borom lool moy yara la voilà donc lool moy différence voilà moy différence entre mo wahib ak mina voilà moy voilà bi cadeau la alors que bi genre non bi don la bi don la don voilà alors que benen bi mom day wacc voilà peut-être grâce voilà plutôt voilà côté le gëna jëgé dal grâce faveur d'accord voilà nga xamantene bon voilà parce que quand même genre après comme il explique ouais mais amna benen ki moy bab bi daf mo recc ni mais dal ala kul hal xewul la dal bu ñu joxe pour ñu utiliser ko mën ci jariñu ak yu mel non usufruit mo dal man xawmu ko do tuba bobu de ko moko def ngay jox nit ki len na mo jariñu ci après mo dal wa kon lool la motax ki comme bourse d'étude ñu koy tuddé minha hmm dañ la koy jox pour nga mëna jang voilà voilà j'ai fini le contrat di wax hmm wa d'accord voilà voilà denga wa jami' ak mbolam wujuhul ataya xéti may manam yépp lo xamanteni xéti joxé la hein gis nga ataya aw atiya mo gëna manam moy al ata'u atiyatu moy joxe mom tamit de manière générale voilà motax souvent batuma wahib bi parfois dumay éviter diko traduire bon parce que ngir ata voilà si bini souvent ay gratitude wala voilà la koy bëgg di traduire en fait ci ñeñu wahib bi ñom ñep jox lañu joxé joxé la waaye j'ai l'impression que bi ataya bi nga mujjé wax mo gëna général voilà mo gëna général wa mom jox non wa mom joxé la mom moy contraire au privé d'accord al ataa moy contraire al herman moy contraire au privé donation voilà voilà mo gëna yaa donation voilà moy donation voilà deng kan wa hali anwar yi gis nga anwar yi ak asrar yi ñom tamit am nañ différence bon ulum yi ak maarif yi xam nañ leen am ulum ak maarif ulum parce que ñom ñep xam lañu tek mais bokkuñ voilà bi ulum moy savoir science maarif moy connaissance wa mom dañ koy acquérir na nga bo différenciation yo ki won nango waxon nango yaaka na ci jotay yi wessu yagu dara ha waxon nango difenté digenté xam xam ak nand voilà digenté xam xam ak nand wa ma'rifa li tax ñaan ko ma'rifa mom nand rek la alors que ilmu mota ilmu mo gëna for en fait subhana rabbi malgré que ni 'arif bi mo gëna kawé 'alim bi mais ilmu mo gëna for ma'rifa voilà voilà maintenant ki nga xamne moy moy arif bi su deme ba am rusukh manam bu am ba enraciné wu ci mbir mi té mu nek réalité bu muy xam deug ni day dal wul bati ku nek alim motax alquran defandiko wul maarifa lulul ci yahudi fim nan ya'rifuna ab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum xamnañ ko mom yenen tibi sallam manam moy nand xamé nañ ko reconnaître le fait de reconnaître xamé nañ ko comme ni xamé sen dom yi wala bok nand nañu ne mom la gis nga comme ni ñu nandé ne sen dom yi ñom ñoko jur xam nga lolu voilà lolu moy ya'rifunahu voilà kama ya'rifuna abna'ahum alors que xam ba ko xam mom côté yépp bok noko wulbuti rek yeksi na ci borom bi utiliser nok ci alcorane ba paré askana la nako bopam li gëna yémi moy lool boudé manam ismu fa'il bi manam moy participe actif bi ak superlatif yi mi wara mëna andal yépp borom bi utiliser nako yalla borom suñu na néna alim utiliser na alim alim ya alimul ghaib wa shahada allamul ghuyubi alimun bi zati sudur alimun inna allaha sami'un alim yoy mu ay superlatif absolu ni ay superlatif lañ ci alim allam mom moy ku xama xam la xam nga amna difference entre alim allam ak alim ñom ñep ki xam lay tek aji xam li sauf que allam mo gëna for alim alim mo gëna for allam xam nga tay budé dañ nan masalan manam seigne mbay day han seigne mbay day mom akil la akil manam moy moy agn kat la waaw kay mom day agn bu bax akil la legui bu ñe akal akal manam moy mom lu mu romb rek manam moy borom appétit bu reureu akal borom appétit bu reureu d'accord voilà moy gourmand la da waye buñ waxé akul nak mom moy lu mu romb rek ci bir bi la jëm atra boko diko jaarale ci gemine ci moy akul bob mom mo gën graw encore lool moy amul dara ben jamono lulul lo tek rek dinako andi lolou amul dara moy tek lulul dinako amul sourna mom xamul sourna akul la ko ne bok ané gandi nga problème wa mom amul sourna té lolou mom moy comme jireri en fait jireri non lañ mel motax jireri graw muñu xese ba dugg ci dekk dañuy yak lepp luñ fa robu parce que comme rapport lañ mel lolé akul kon lol moy différence entre alim allam ak alim d'accord ba paré utiliser la forme verbale tam yépp utiliser na len alim allah say'lam al ak ya'lam ak comme na alim allah ba tham fa faqadatuhum na ak ya'lamu ma fi wala ya'lamu ma tukinu wa ma tuhlu et cetera hein comme manam fo xolé forme yeb utiliser na len voilà donc alors que donc mais lolu ci nga xam ba pare ñi mi wax ne ñom ay borom yi xam xam len pourtant ulul ilm lay utiliser ak wal ladina utul ilm yoy lay wax ñiñ jox xam xam ak yoy donc lool day woné ni malifa gi manam bon même bouré wax na ulul ilm ak alama ya salam min ibad dar wax al ulama moy borom xam xam yi bon même bu fekkenté na en premier lieu ñi nga xamantene ñoy arif billah yu accompli ñom lañuy wax ñom ñi xam deug ni mais ñi ñeneen ñi borom xam xam sharia yi ñom ci lañ bok té ñom kenn ëppulen ci cër au moment où ñom liñu yor d'ailleurs sax même ci terminologie borom xam xam yi sax bu ñu utiliser ilm bobu deug moy xam xam sax bi tax ñuy wax parce que beulé marifa la manam nand la reconnaissance la ki la et cetera par ay signe nak lu yalla yone ci ngoy xamé mais bi mo gëna authentique mo gëna wour mo gëna deuguer source bi mo gëna reuy ba paré mo gëna lèr ba paré fofu risque d'erreur amu ci alors que ci marifa be risque d'erreur daf ci bari li imam ash-sha'rani don wax radiyallahu anhu mu lañu bari ci arif dañuy dem ba djoum mu ne parce que dinañu djoum ci yenn point ci yo xamantene ñak xam sharia mo leen ko yobbe té wax joju bokku na ci wax yi nga xamantene wax yu mota baye xel la parce que dafa ni li ta arif yi di djoum parfois ci té ñak xam sharia mo leen yobbe seen djoum té yu metti yoy moy lele dañuy gis ne lepp ci yalla la joge ba nga xamantene lu haram day ñew ñom japp leen ni ci yalla lu joge ñu def jël ko sharia duma le sharia yatu sharia dal seen kaw bu ko defé nak ñu am merum yalla ak ñu mel nonu dal seen kaw ak yoy fekk ñom fini djoumi la parce que le fait que ñuy gis ni lepp ci yalla lu joge rek ñu bëgg ko jël parce que ci yalla la joge alors que dañu warono bayyi xel ne yalla ci kot xam xam bi gëna deugër ci xéetu xam xam yi moy bi mu jaarale ci yenen taabi alayhi salatu wassalam mu ñew ci nit ñi bobu xam xam mom la waxé ni li baaxul dafa haram waro ko laaf wala lolu motax xam joju wax lu mata baye xal la amul luko upp doole amul luko upp doole amul luko gën amul la nit lu mbir mi wër lo motax erreur la sax bi sonnal sa bop ci haqa'iq yi ci ki alors que yi nga xamantene ñoy yi upp solo ci walu fiqh ci ak li wër surtout fiqh donc on néglige surtout fiqh parce que fiqh mom ci ngay xamé li moy mom ibn jawzi waxon rek rahmo allah li ñu bind ci aduna bi yépp nit ki mënu ko lire ci dundam lool mom moy li ragn lool mom ñepp ko xam d'accord nañ ci ce qui veut dire que ni li tamit li ñuy bind ci xéet xam xam yépp nit ki mënu ko jang mënu ko lire mais nak lool mom motax nga wara xol li nga xamantene mom par contre ki mus moy ki nga xamantene day def priorité yi nga xamantene mom moy ragné ko ci mom manam yi nga xamantene ay nécessité la ay mus wala kokku moy ki mus té lolu moy li yalla manam li nga xamantene tay moy tax bu ko jëfé bu ko appliquer mettre ko en application ci lay amé gëreewul borom bi kokku moy ki mus té lolu moy xam xamu fekk ndax ci la yalla nane defal li bayyi li baxna li bonna li la bëgg li lay bañ ak xam xam yi wor lo autour ñoy di sonal sa bop rek hein garam ki nangam et cetera yent yalla Moussa bam wax ak borom bi neena ko li mais lolu c'est que gaay ñoo nandul parce que affaire bi li la waron tekki nangam après hein ñu wax ci ki di ki ci malaka yi seen roh yi ni la demé seen Hakikatul Muhammadiyya bamuy doga ki nangam et cetera mum ba di sonal sa bop ci yoy te yow be aba bi li la yalla laj la ni amo dara lo ci meuna topato te tay sax waxuma la lolu mais wat ci walu sharia bi ci walu tariqa bi kesse buñ la lajon rek ni nga xamantene nonu mom moy yow fondamentu tariqa fondement cheminement ci tariqa bi rek xamoko fondement ni nga xamantene non nga wara topatoé lan la cheikh lat si rahmatu jallah rabbi allah lan la lat ci nga wara doxale ak mom nan moy yi nga xamantene yoy waro ko ñaka def yar lolu rek xamulo règle tay sa wosifa dong bu yakko do xam noko réparer ngay ray sa bop ci nan ay aduna bi mi def ni la def ak ay bidiw yi nangam non ay kayfiya bi ci sonal sama ci ay kayfiya c'est vrai ak di waxtane ay tombe bi ci ronu babbe non mais c'est vrai alors que yé nga xamantene ñom ñoy sa fondement yi amulo ci ben ki té attention ñëlé na même ku fekkenté deug et puis di aral di ki be yo yuru ko hein xétu aral bo né nga dugg ci té li upp ci ñi nga xamantene ñom ñoy faral di dugg ci domaine yoy di ci wax ak di ci xoos ñi ci xam deug deug lolu ñu neew lañ ñi ko ci xam deug ñu neew lañ té ci bir ñi ko ci xam ñi ko ci mos deug deug ni réaliser ko ba dumb ko ñu gëna neewat encore Comme il faut avoir fixé ses priorités. Wow. Comme il faut être avec sa tanque. Mm-hmm. Et aller à l'essentiel. Wow. Amma Asra avec Anwar. En tout cas, ça fascine plein de gens. C'est une bonne chose. Il faut fasciner les gens. Mais c'est ce qui m'a fasciné dans le Kenya. Mais c'est ce qui signe le Boumak qui a dit. Ki yalla tax ko djok parce que ki yalla tax djok koku limuy def priorité moy li yalla nam ci mom manam li yalla liko yalla laaj priorité du moment mom yoy lay def priorité lolou ki yalla tax djok lolou bu fekente na xamugul numuy julle ak bu julle bu yakko nuñ koy defare xamul japp wala bu yakko nuñ koy defare wala mom lolou lay def priorité ci parce que lolou lako yalla laaj koku c'est priorité du moment su fekkante na xamugul lool lay def priorité su fekkante na xamugul deug tawhid wala aqida ni base lool lay def priorité parce que xamna ni lool su baxul leneen li ci dess day sonal bopam rek ne théoriser 1000 fois sur haqqatu muhammadiyya ne théoriser 1000 fois ci shajaratu kawni ne théoriser 1000 fois ci kayfiyat ci nangam ay théorie kessé lay taxawal diko sam légui tay mu wax ci wax jo xamantene day tax mu wedd ya mu nek yefet légui tay wax surtout domaine bob bo ci duggé xous ci té xamulo sa aqida légui tay nga dugg ci wax jo xamantene ngir aral ak reuyal dugg ci lu tax nit ki nek yefet amna benn way bu mu mësa wax néma benn mbokk talibé plutôt bu mu mësa wax néma amna nga xamne dañ ni ben mu ne dafa am fek mu ne ma legui est ce que wax ji werna dama la bëggona laaj est ce que wax ji werna ndakar lu ne wax ji moy mu ne ma man ko ma ngi lay deug mu ne ma moy ne cheikh radhiyallahu anhu ni manam yenenbi sallalahu alayhi wasallam même bu fek manam ke ni ci walu yenent momo manam mo fi jitu cheikh mais manam cheikh ko manam martaba ba cheikh am mo jitu manam cheikh moko raw ba beure jitu ko ci martaba ngir ne mom bamuy nek wali manam bobu mam adam mi ngi ci digeenti ndox ak ban man ko wax joju ko wax yeufel la mune man ak da ngay xamne fi Dakar temeri ci jaar ñu jël 90 ci dañ koy wax man ko lutax man ko gane mune waaw parce que dañuy dégg ben kilifa ni bon entre guillemets wax ko té momit xam nga ki da spéculer kessé ki wax li da spéculer rek waxam ji téggul fenn loolul ci ay parce que dafa jaawala digënté le fait que yénenti mam sidna cheikh radiyallahu anhu nek wali yu bo xamantene banam ba mam manam borom subhanahu wa ta'ala da ko yigon ci maqama wilaya bok fekk mam adama hein mi ngi ci digënde ndox ak ban et que manam sirru bobu di daw ci mbolam wallu yi lolu la jaawale ak le fait que manam mom daf ni kon koku mom jamono jojja alors que yenenbi sallalahu alayhi wasallam bi mu ñewé fi lañ ci après ci lañ ko yoni nangam et cetera te xamul ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom itam nekkon yenenbi bobu fekk mom adam mi ngi ci digënde ndox ak ban mais comme dafa réré tamit réalité bobu mu wax le ba paré sax même bu doon lolu lolu tekki wul en aucun cas cheikh gor non ba pare dafa munul ne yeru manam voilà dafa yanuru manam man sax dama xamul nan lay djimo expliquer expliquer aberration wax di mais dama manam sax na manam amul sens en fait c'est seigne bi ko xellu touti bu dégué phrase bi rek dina xamné wax bi djubul djubul wa mais li gën yéme li gën yéme moy ñom non manam dafa bari xétu xétu manam ay nit ñuy spéculer et que gaay dañ leen di jappé comme ay ñeñ ñu xam wala ki way gaay ñom ñoo xam deug deug cheikh ba faré dañuy li gëna yëme mo dañ na affaire yi gaay amna yo xam tane kenn du ko wax soko waxé sax tém ñu wéddi la xam nga yoyu manam yoyu ñuy wax nan amna yo xamné soko waxé tém ñu wéddi la di ki ak yoyu di ko lak lakal ak neub neubal yoyu mom motax gis nga ni ci won doxal Imam Ahmad da wax rahmalah ak Imam Malik ñoo doy fa wax xam xam mom moy li feen bis bo le xam xam da fay siw bo leen fi gisee lo xamantene wax du tum ranke rek nga xamantene benn nit ak ñaar ñoko xam wala ñukoy wax rek xam leen ni wax joju wër xam xam day leer bir feen ba pare neexa leral neexa explique yombo wax yombo parce que xam xam la motax mais voilà mais bu bari ko complexité rek complexité wa dang koy moy rek wa motandiko wa asrarak ki motax ñom de seul hadj mal radhiyallahu anhu wax na gaay de ngeen yar manam yar leer talibi ci anwar te bañena yar ci asrar wa bis boole parce que anwar moy dafa leer mom comme ayu mom manam dafa leer ki nangam sekki wala zikar yi la nangam et cetera leer yi ñew bu leer yi ñewé samp secret bi day dugg ci secret yi dañuy dugg secret yi jëm manam ñoy and ak leer bi dañuy ñoy and après wa amma asrar nak mom kay mo jox la ben sirru mo jox la en fait finalement sax doon secret parce que secret comme le mot l'indique moy li nga xamné né day dox ci digënté ñaari nit bu commencé djégi lool doon secret lool secret hein légui yu bari yi ñi wax secret lool du secret hein parce que dem na ba lawna tassaro na lool du secret secret deug deug ci mbir mi moy luy dox ci digënté xol yi la li ñi wax secret deug lool luy dox ci digënté xol yi la mais dul nekk ci kayit yi lol dul nek ci keydi dede yi nek ci keydi lol dul secret lol tax cheikh bi waxon rabbiyallah waxu du am solo bim nan ci rahiqul maqtum muna tariqa bi amul zikr bo xamne dañ nan bi secret la ak li du secret li fi am moy dañ nan zikr bi dañ koy joxe ci ndigal wala ci lo xamantene ndigal bu gëna fat special lol mo fi nek manam ndigal bu général wala ndigal bu particulier li mo fi am mais amul luñ nan li de secret la li gay ko kenn yeb nangam ki dede luñ fi joxe ci ndigal mo fi nek ak luñ ci joxe lo xamne laj ne ndigal bu général ak lo xamne ndigal bu particulier la laj lool dong la mo fi am wax du am solo la lool yi gay du tudde secret yeb du secret secret moy li nga xamantene dafa dox sa digeunte yow ak sa borom borom mbir yi manam ñi nga xamantene ñom la ko yalla def ci digënté ñom dina am luñ ci mënd di passenté seen bir mais sinon ce secret hakikatan mo secret du dara lu li dox ci digënté ak sa borom wa lool moy ce secret amul zikar bi ci bopam bana baat yi lay tudd amu ñu rapport ak secret bi am rapport buul fogné baat yi ngay tuddu né yi ngay di ci carrière yoy ci baat yoy dédé ci digënté secret bi relation bu étroite la bu nekk ci digënté ki zikar ak kimi zikar muy borom relation lool la mais du comme yi gaay yi fo wa légui voilà ah oui kay mo tax dina tax ben affaire gis nga affaire yi nekul ci yi ñu bind ci keuy bi bok nit ku wërul rek ku xamul rek deug deug affaire yi moy yaakar lool moy yaakar na mbir mi ci affaire yi la nek ak ci kayfiyati mbolam yi ñu fi wax ni te mu nek ñu naan ay secret la gueul boko jëlone tek ko publiquement ñepp diko gis tamit ak nga ni mu nekk ni danaka ben la presque ben la amul grande différence sauf que rek dañuy bañ ñi nga xamantene amuñu ndigal yeek yoy ñu diko jël diko jëfëndiko ci anam go xamantene manam diko jëfëndiko fekk yoruñu ndigal bi mu di len di gañ ak yoy non neub gi yépp ci loolu aju neub gi aduul ci le fait que c'est parce que dañ ko wara neub dedet mais bo demone ba gis ko jakarlo ak mom sax tiyé ko jël ko ndigal li ñewul ndigal bi ci war ñewul du la jari dara voilà mo nga bañ ko gisé yépp donc en fait secret yépp mu ngi nekk ci ndigal isnu qasatul qas wala isnu isnu bu ñu bindé jox bi bi and ak affaire exactement té tay té li gëna yéme moy nit mën na yegg ci niveau bu muy utiliser nangam ben secret ni ben lu ñu wax secret en fait mu ag niveau bu ngui koy utiliser té jop ko manam mu ag niveau secret bi té yorul sikar bi ci bopom mais téréwul secret bi mi ngi ci bop mom xam nga lan la yorul bati alpha bi rek la yorul mais secret bi mi ngi ak mom mi ngi doxal mom mi ngi dund ak mom koku soxlu lolo tax ku xam yoyu sikar yu bari ni yoyu du nek ce problème ay ban ngay kayf yi nga yor ñoo yoyu du nek ce problème bo xamé lool secret bi nek ci yow secret bi ci yow la nek nekul ci biti yow nekul ci sa biti de ci yow la nek ci sa bir la nek bo yaakaare nak gaay yu beure dañ fo nge ñom nak dañuy fo ni secret bi ci biti la nek manam moy ci keer yi ñu bind affaire bi nekul fofu yoy keer dafa nek li secret bi deug ci yow bi la nek ci sa bir bo deme nak ba exploiter ko rek soxlawul ngay yor keer yi ci biti la yi ci biti la lolu formalité la formalité la te mo nga da bañ xamal lako wa ah waaw lool kay bari na lool kay bari na kon loolu yi yu mata xamé la amma digënté jëf yi mo lool xam nañ ko a'mal yi bo xolé fi dafa jëfëndiko al a'mal ak dafa da tuddu al ahwal xali te tuddul maqamat hein parce que bi mi wax ci jëf yi ci la waxale maqamat parce que maqama en fait jëf la nit ki limi jëf ba paré taxaw ci jëf gogou persévérer ci lool moy tuddu maqama lool mo tuddu maqama buñ nane muñ kat la parce que dafa taxaw ci maqama muñ bu fekkete ndey geureum yalla fu mu tollu beuri lu ngui koy def tass ne ba nga xam daf ci sax dafa taxaw ci maqama bob budé lay tuup dafa taxaw ci maqama bob et cetera li nga xam tane dal sey jëf ci lool lay ne tout temps lool moy maqama bob ci nga nek moy gis nga liñ doon wax qama maqama ci fofu la taxaw moy station fi nga xamne fa nga taxaw stationé fa cramponé wu fofu ci lolu mom moy lolu lañu tuddé maqama station voilà alors que xal moy li rombu xol nit ki sans nit ki en fait maqama ak xal amna fuñu wuté ci benen côté manam xal kon pou boudé ci côté bé xal moy lo xamanténé day ñëw tay mais état rek manam dafa ñëw tay rek mais day rombu dem état spirituel dafa ñëw rek mais day rombu dem do nit ki du ci taxaw nit ki du nek jëf xam nga amal gis nga amal ak fi'l duñ ben amna tuti différence té pourtant yépp xam nga jëf lay tek amal ak fi'l amila fa'ala fa'ala def la amila def la mais jëf la mais amila amal ak fi'l duñ ben motax comme li nga xamantene tout temps dañ koy def lolu amal la tuddu moy li ngay def tout temps motax même liguey ñukoy tuddu amal liguey travail parce que tout temps da ngay xey dem manam en tout cas c'est rip qui dafa am ben récurrence bo xamantene ci ngay nek tout temps nga koy def et cetera nga ci liguey di koy def voilà manam mu nek lo xamne wazifa la manam lo xamne da ngay pointer am heure de début voilà mais ba paré da fay perpétuer da fay répéter lolou mo fa ñu tudde ko amal répétitif voilà dafa répétitif alors que fi'l moy lo xamantene instantanément lay am après jeexna comme li alquran wax alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil motax waxul amila fa'ala rek la wax xolal sa borom fa'ala namu defé manam def nako bi ashabil fil ak ashabul fil lotax mu ne waxul amal lima yurid dan fa'alun xam nga parce que instant bo ne mom limi def manam parce que jeuf yi c'est instantané té lumu def do ko répéter wat parce que borom bi non la mel du def dara ba bari defat la même chose du ko def borom mo ne fa'al gis nga jeuf manam parce que c'est instantané et c'est momentané jeexna lima yurid ci lu ko neex borom bi lolou lay def limu nam kessé lay def absolument kenn manou ci dara dara ni dara strictement rien liko neex kessé waaw amul lumu ci xor am lumu ci set amu ci nam ko nexe ci fam ko nexe ci tam ko nexe jamono yam ko nexe ci la koy def après yeen ñum set na sa borom mom bour la mom mom lu ko nex rek lay def confédération non lool après yeen yeen koy xol ngen xol après ngeen ba xam contane ngeen wala contane wala wala mais mom lu ko nex lay def te li liko nex moy am pané la nex bu depp wé li la motax den fay ba sey nex lool moy sax texel jëmmi texel lool moy li ngay li lay nex ni nex borom bi am li nex borom bi bok nex la wala plutôt deng kon jëf yi lool la nana motax maqama bon donc côté bobu maqama motax amal parce que nit ki daf ci sax maqama lool la daf ci sax mu nek lu répétitif ci jëfëm yi gis nga motax amal ba fer tudul ahwal donc tuddu ahwal donc fofu moy différence ci benen côté moy xal manam kon motax moy xal manam ay may la yu yalla joxe yu yalla di jox nit ki may la yo xamantene manam amul acte bu ko déclencher ci biti amul acte bu ko déclencher ci biti dafa jek jek rek nek ci xal manam yalla wacce leer ci xol bi rek ray mu daali am ben xal bu mu dund ben état bu mu dund lolu xal la alors que maqama dafa am état bu ko déclencher ci biti moy jëf yi mais en réalité en fait bi batin bi mo upp doola mo gëna feñ alors que bi zahir bi mo gëna feñ manam jëf gi mo gëna feñ lolu tax nit ki bu nekké ci ben maqama ni ñu bari mën nañ ko baña xam mais ñi mus dinañ ko xam mais à travers ay jëfum mais pas à travers amul ci bir lu koy woné alors que xal motax ñi nane borom xal moy wali yi nga xamné dañu graw borom ñom ñu leen di tuddé borom xal parce que ñom amul ci biti luy woné né ñi ñi ngi maqama sangam motax ñu ashabul ahwal lañ leen di tuddé borom xal parce que ñom c'est affaire yi ci bir la né waaw ñom yo Abu Yazid radiyallahu anhu ñoñu lool la wala do ci ñu bok wala do ashabul ahwal la loolu tax ñu nan wali yi surtout borom xal yi il faut nga def attention ci ñom motax parce que ñoñu dañu nakare xam parce que seen yu bari upp ci affaire ci bitil ci bir lañu ne wala donc loolu mo différencier entre ci wéré côté quoi entre xal ak mak ak makaw borom xal yi da lay moytu bu baax wala dengal amma fuyu dat ak tadjali yak fuyu dat waaw fuyu dat ya ak tadjali yak waaw bon fuyu dat ay may la dal yu yalla di wacce ci xolu nit ki ay bëbb la bon ak même ci yenen mbir yu mën doon amma tajal yak moy ay manifestation la yalla feñu yim koy feñu wala mu koy muy feñal dara ci mom et cetera amma digeunte mawahib minakh ak ataya lolu gisoon nañ ko sank walillahi alhamdu wal minna deng mu ne kon wa fakulama lepp lo xamne yufiduhu bebal nako al haqq mom bur yalla subhanahu gatch ngalam mom tudna masallahu wa ta'ala kana wal wujudi ci mbole minde mutlaqan ci luñu jël mo muqayyadan wala bok mu nek luñu teunk aw wala bok kaseeran mu nek lu bari aw wala bok qalilan mu nek lu neew mi ma ci li nga xamne tushhira si wolef nako aw wala bok shazza mu beru innama li amba des mo yufiduhu daf koy beb bi wasitat ci dig dig le rasulih ndawmi sallallahu yalla jund allah yalla alayhi wa sallam de musal ko fa man kep ko xamne nak wonna dafa ndiot anho nak mo yahulu dana jokum min indillahi fa bur yalla ha tukke ci bur yalla shay'un daralil wujudi ñeel minde fi bi khayri ci lu amul ci lulut wasitat dig dig le intermédiaire median rasuli ndawam li mom sallallahu yalla julli allah yalla alayhi wa sallam te musal ko faqat kofu deug deug wallahi jahil da fi reer amrullah bi ru yalla wa in lam ti kofu bu fekente na in bu fekente na lam yatub tubut khasira dana ñak ñak gu am doole adunya aduna wal akhirati allah ak alakhirah bi hada i'tiqad ci sababu bobu nek pas pas bu ñaaw bu bon bobu mu amé nasalu ñu ngi ñaan allah bur yalla assalamatu muccu wal afiyatu ak mara assalamatu muccu yaram wal afiyatu ak muccu xol min balaahi ci natom yu reey bi jaahi ci barke rasul rusulihi yenentam bi wa anbiyaahi ak nani solo ndawam yi ak ñi solo moy yenente yalla sallallahu alayhi wasallam deggo kon lim wax da mel le leer moy lepp lo xamantene yalla daf koy wacc beub diko beubal ci mbole minde fami ci lu nu joye de manière absolue ak de manière restreint mon non restreint ana restreint d'accord wa wala bok mu bari wala mu niw wala bok mu lo xamantene dafa siiw ni wala mo xamne lo mu nek lo xamantene rek dafa beru manam dafa singulier d'accord particulier ni xamal ni len dox mo moy beydir ma arsala rahman aw yursulu bo ba ci ya'lamu hadha kullu man yaqilu ya kana jota bi wessu wala lolu moy lol rek lepp ni ngi koy defé ci intermédiaire yentou bi sallalahu alayhi wasallam kep nak ko xamne da nga ndort ni amna dara lu tukki ci yalla te duko jaare ci yenen ci di ñew ci mindi fi té duko jaaré ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam koku nonu deug deug dafa riir mbir yalla té koku bu tuwul bo moytu liko yott moy mu perte aduna ak alakhir ci sababu pass pass bobu mu am pass pass bu bon bobu mu am motax nak mu daal ci jéxal ni ñi ñaan yalla manam ak muccu ci yaram manam muccu assalamat manam assalamat wa afia wala afia mo bien-être voilà muccu xol et cetera voilà afia plus xol la wa salama plus yaram la mais afia plus xol la manam ah salama plus extérieur dans le tout ce qui pas yaram kessé mais tout ce qui est extérieur voilà voilà paix extérieur et afia moy paix intérieur mais moy plutôt bien-être quoi on lañu bien-être manam nga xamné voilà nga xamantene lu mën ti xewé yow mom yaani ci sa affaire manam yow amul amo problème yow mom lu wuti xewé choono gi bari ki gaay ñaan yu mu nattu yu ko dal nangam mais mom mais yaagi sa affaire yow amul problème yow amo ben problème yow gaay mais dara xewul la gaay ñoo yaakaar na dara xew na rek mais yow dara xewul la yaagi dund normal ma yaa bien être parce que bien être rek mo am solo nak wala muccu ge ci def manam muccu ci tentation ci problème et cetera wala ko lolu manam ci mbolam natuy ci barkem te manam le qawluhu mun tajidu da ngay daj min ha ci mom da ngay wona kamatan tamatan tajidu min ha wa suratan na wa ja'altaha suratan kamilatan na tamatan wa ja'altaha wa tajidu min ha bi sababi wujudiha wala mun qawluhu wa tajidu ngay daj min ha ci mom manam ay limite manam min sourate ci jëm ju lay wax manam ci image bi bobu non mom nga yalla alati bi nga xamne ansha'aha sos nako min an-nuril kamil ci leer gu matga te waxon nañ ni leer gogum mo lan wahiyatu moy al-haqqatul muhammadiyya voilà moy nur zat moy leer nek borom subhanahu wa ta'ala moy te moy al-haqqatul muhammadiyya wala moy nurul lahir ifadatul lahir nurul lahir wallahu wala qawluhu wax bimu wax na bi sababu wujudiha ci sababu nek tefam manam moy lepp lu xewé mi ngi xewé ci sababu nek gogu moy hein moy haqqatu muhammadiyya manam ay lim ci nek fa innahu yurbur qabla wujudiha la ta manam lu jitu amam mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam haqqam la yudakhiluha don won dugante mom shay'un dara fil alami ci aduna as-suri bay ko djub djem ni nek illa ludul ma lo xamantene yajiru datna minha ci mom fi manam datnako fi hadratil ilmi ci hadar xam xam li kawniha ndax nek gi nga xamantene la nek aynan ak manam nek wala bok existence être sabita bu sax manam kon avant ci sabab kon ci sababu nek yeen manam haqqatu muhammadiyya ci la li ci dess amé mom moy mo sababon amal ga ak tub yu fastayu mona fal man hamanna ilahi rahmatani lahu moy lena alhamdulillah bil ijadi wal karam wal qidami dal mumid dina bi wujudil badri bil qadama wala manam kon ci avak gis nga wa wuj nek yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom moy tax ñun ñu am wala manam motax mu ne moy sababon mo fam fal won man fal man hamalna ilahi rahmatan lahu dan mo sababon amal ga seigne babakar rabbi mo sababon amal ga moy tebbi man tebbi moy alimentation bi nga xamantene generateur bi nga xamne mo continuer di ñu alimenter courant bi nga xamantene moy tax ñuy continuer d'exister mom moy mumid moy ki tebb kon mom moy tebb gi kon mo sababon amal gi ak teub yi kagn fas tayu moy ak teunku moy compression zippé ñun ñep dañu compression dañu nekkon ñoo xamna ay compression dañu nekkon ñu compressé wu ñu zippé wu ci xam xamu yalla loolu lay wax ni manam le fait que ñun ñu nekk fofu nekk ñu zippé wu xam nga tay fichier bu boko nekké fichier zippé ni rare etc da ngay gis boko xolé li nga xamné fichier baangi ni nangama ne ci bir mais il faut nga décompresser extraire ici extraire affaire bi ay chouun rek lañuy nek ay truc lañuy nek ci bir do ci mëna am accès do ci mëna ki fek extraire wu légui nak sopp extraire manam moy nga jël ko ci ni mu zippé wu nga génné ko ci biti ci lay dog ti ngui mëna jëfëndiko borom bi nak subhanahu wa ta'ala ñun ñëpp dañoo nekkon lool lay wax ni mu ne ñun ñëpp dañoo nekkon ay nek mais ay suun lañ fan ci xam xamam mais yenenbi nak sallalahu alayhi wasallam bam ko amal mom moy ki nga xamantene mom moy manam mën nañ ni moy logiciel bi nga xamné mom motax application bi nga xamné motax ñu mën ñu extraire ci ni ñu zippé won ñu mën ñu extraire ñu daal di génn mëna nek lool lay wax ni manam voilà mais sinon nañ nek ci xam xam mom effectivement ñu manam ñu existé won lañ fofu waaw man xamna ñu yoon fofu inshallah wallahu ta'ala ala sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.